a vécu tantôt gai comme un Sansonnet, tour à tour amoureux, insoucieux et tendres, tantôt sombre et rêveur comme un triste litandre. Un jour, il entendit qu'à sa porte on sonnait. C'était l'amant, alors il apprit à t'attendre, qu'il eût posé le poing à son dernier sonnet. Et puis sans s'émouvoir, il s'en alla s'étendre au fond du coffre froid où son corps frissonnait. À ce que dit l'histoire, il laissait trop sécher l'encre dans l'écritoire. Il voulait tout savoir, mais il n'a rien connu. Et quand vint le moment où la de cette vie, un soir d'hiver enfin, l'âme lui fut ravie, il s'en alla disant: pourquoi suis-je venu? Quand vint le moment où la de cette vie, un soir d'hiver enfin, l'âme lui fut ravie, il s'en alla disant: pourquoi suis-je venu?